À l'occasion du 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, le président national du Parti progressiste du peuple du Nigeria, Damian Ogbonna, co-président du comité préparatoire international pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017, et président du comité africain pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen, a offert un présent au dirigeant suprême Kim Jong-un. Il a transmis le 25 juillet à l'ambassadeur coréen au Nigeria.